En Corée, la conférence des présidents des organisations de base du Parti travail de Corée aura lieu dans la capitale Pyongyang à la dernière décade de décembre de l'an 105 du juillet 2016. Ce rendez-vous revêt une grande importance pour rehausser la fonction et le rôle combatif des organisations de base du parti, unité principale, et pour la transformation de toute la société par le kimilsonisme et kimjongnisme, et l'application parfaite des énormes tâches proposées par le 7e congrès du parti.